La Nature et moi, le jeudi de 17h30 à 18h. Bienvenue dans La Nature et moi, l'émission qui vous permet d'exprimer votre émotion face à ce bouleversement climatique et de partager vos engagements envers cette belle planète. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Lucie. Bonjour. Bonjour. Alors, Lucie est étudiante à l'université de sciences politiques et s'engage auprès de Youth for Climate. Alors, Lucie, tu m'as dit que tu étais végétarienne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, ce qu'est le végétarisme ? Donc, selon moi, le végétarisme, c'est d'arrêter toute consommation de chair animale, donc aussi bien viande que poisson. D'accord. Et est-ce que c'est par choix éthique ou c'est vraiment où il y a aussi une question de santé ? Non, c'était absolument pas une question de santé, c'était une volonté de ma part. D'une part parce que la consommation de viande, elle a un impact très très très négatif sur les réchauffements climatiques, avec notamment une production de méthane qui est un gaz à effet de serre qui est très nocif, et également par notion éthique, puisque le bien-être animal c'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupée, et j'aime pas forcément le sort des animaux dans les abattoirs. D'accord, et c'est devenu comment en fait, à quel moment ? Donc là ça va faire 2 ans que je suis végétarienne. Ouais. Donc ça m'est venu un peu au fur et à mesure, vers 14-15 ans, j'ai commencé à me poser des questions, à m'intéresser au sujet, à lire des articles, jusqu'à ce que d'un coup, je saute le pas. Et là, t'as quel âge ? Alors, je vais avoir 18 ans dans 2 mois. Oh, ok. Ok, super, bientôt bon anniversaire. Et comment tu vis quotidiennement cette philosophie de vie par rapport aux autres, par rapport même quand tu vas au restaurant ou, Sur mon quotidien, ça n'a pas tellement changé. Enfin, auprès de mes parents, dans ma famille, on mangeait de la viande, mais pas non plus énormément. Ouais. Donc finalement, on a juste un peu adapté nos menus. Maintenant que j'habite toute seule, forcément, c'est plus facile. Ouais. Par contre, pour aller au restaurant, ça reste compliqué parce que tous les restaurants ne proposent pas une alternative végétarienne. Ouais. Donc quand on propose des sorties en famille au restaurant ou qu'on se fait inviter, c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends, moi je suis végétalienne, enfin pour dire vegan pour d'autres, mais voilà, c'est vrai que c'est encore pire ça. Ok. Au quotidien, ouais, donc t'essayes aussi de consommer raisonnablement, tu m'as dit, limiter tes déchets en compostant, en recyclant, en limitant les emballages. Est-ce que c'est facile ? Comment tu t'y prends ? Alors, c'était pas facile quand j'habitais encore chez mes parents, ouais. Parce qu'on était à la campagne, et qu'un magasin avec du vrac à la campagne, ça n'existe pratiquement pas. Ah ouais, d'accord. C'est quelque chose qui est très urbain, qui est un peu dans les régions où il y a un niveau de vie assez élevé. Ok. Et je viens de la campagne mosellane, donc il n'y avait pas forcément ça à proximité. Ouais. Donc c'était compliqué. Après, on consommait beaucoup de choses qui venaient de notre jardin. Mm. Là-dessus, on pouvait être assez raisonné. Et donc maintenant que je suis à Nancy, je vais faire mes courses en vrac. J'essaye de prendre les fruits et légumes sans sachet, ce genre de choses. Ok, super. Et pareil, cette démarche, t'as commencé ça il y a 2-3 ans. Pareil que le végétarisme. C'est venu un peu après la gestion des déchets. Bah, c'est pas la première chose à laquelle on pense, j'ai l'impression, quand on a 14-15 ans. On ouais. se rend pas vraiment compte de l'impact de notre consommation et de nos déchets sur l'environnement. C'est venu au fur et à mesure. Plus je me suis intéressée à l'écologie, plus j'ai compris l'impact que ça pouvait avoir et plus j'ai décidé de faire des choix dans ce sens. Ok, super. Donc, tu t'es engagée dans Youth for Climate Nancy et dans Sciences Po Environnement. Alors, le mouvement de Youth for Climate est, alors je reprends les textes du site, un mouvement de jeunes qui se mobilisent pour le climat, l'environnement et l'écologie. Le 15 mars 2019, il a répondu à l'appel international à la mobilisation et réuni plus de 200 000 jeunes en France, pour un total de plus de 2 millions à travers le monde. Et dans plus de 200 villes, ils ont manifesté afin de sensibiliser et faire prendre conscience le plus grand nombre, ainsi que pour dénoncer l'inaction des dirigeants politiques. Le mouvement est ouvert à tous et à toutes. Il a pour donner les moyens à chacun d'agir comme il le veut. Il est ouvert à toutes les propositions de mode d'action, pas de sujet interdit, pas de dirigeant pour créer de l'interdit. Le but est que chacun amène sa pierre à l'édifice, s'entraider, réussir à lutter contre le réchauffement climatique. Et il essaye de créer des liens avec les différentes mobilisations locales. Et comment tu as connu Youth for Climate et pourquoi dans ce mouvement ? Alors, comment j'ai connu Youth for Climate ? J'en ai entendu parler dans les médias. Parce que en fait, j'ai préparé ma revue de presse d'entrée à Sciences Po sur le thème de l'écologie et de la rébellion de la jeunesse par rapport au climat. Donc forcément, je me suis intéressée à ce thème-là, j'ai entendu parler de Youth for Climate. Et du coup, en arrivant en ville, j'ai voulu rejoindre un peu l'organisation. Par l'intermédiaire de Sciences Po, je connaissais une fille qui en faisait partie. Ouais. Donc j'ai réussi à rejoindre leur rang comme ça. Ouais, super. Est-ce que tu étais présente, toi, aux journées de grève, là, le vendredi 20, samedi 20? Oui, j'étais présente. D'accord. Et comment ça s'est passé pour toi? Alors, la journée du 20, ouais. Donc on n'était que 300 mobilisés sur Nancy. D'accord. Après, le mouvement, on est conscient que c'était une rentrée pour le climat, qu'il y avait pas forcément, que ce n'est pas forcément le moment de l'année où les jeunes sont le plus prêts à se mobiliser. D'accord. Donc, finalement, sur les chiffres, on ne s'attendait pas à être très, très nombreux. 300, ce n'est pas du tout énorme pour une ville comme Nancy. Donc là, on s'attend à... On va essayer de mobiliser un maximum de jeunes pour avoir plus de monde sur les grèves à venir et on espère que ça va le faire. D'accord, donc on sent qu'il y a encore, il y a encore à faire quoi, auprès des jeunes. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, ce que je ne savais pas, c'est aussi Sciences Po Environnement, c'est une association étudiante présente sur plusieurs campus en France, dont Nancy. Sa mission est de sensibiliser les étudiants aux thématiques liées à la protection environnementale ainsi que de réduire l'impact écologique de l'école. Alors, en lisant l'historique, pareil, je cite le texte du site internet, j'ai vu que Sciences Po Environnement est né sur le campus de Paris en 2007 sous la forme d'EcoCampus, un groupement d'associations étudiantes. Et ce collectif est devenu une association autonome en 2008, puis a pris le nom de Sciences Po Environnement et le statut d'association permanente en juin 2010, avec pour principal objectif de réduire le bilan carbone de Sciences Po. Est-ce que la démarche, Lucie, a un impact positif auprès de l'université de Sciences Po? Est-ce que tu vois qu'il y a... Pour l'instant, c'est difficile de voir au quotidien des changements. Après, à Sciences Po, je viens de faire ma rentrée, donc j'y suis pas depuis très longtemps. Oui. Mais on voit qu'il y a des efforts qui essaient d'être faits, par exemple, sur les barbecues de début d'année. Ouais. La direction a demandé à ce qu'on ait le moins de plastique possible, qu'on essaye d'avoir des déchets gérés raisonnablement, super, de trier davantage sur les campus. Et je pense que c'est une démarche très positive qui devrait peut-être être un peu plus courante dans les universités. Ah bah c'était la question que j'avais posée, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres universités intéressées? Ça, c'est vrai, C'est vrai que la notion très associative, on la retrouve beaucoup à Sciences Po. Il n'y a pas que des associations pour l'environnement, il y a des associations aussi à vocation plus sociale. Ouais. Donc la démarche associative, elle est très très très présente à Sciences Po. Et c'est ce qui fait qu'on peut s'engager pour l'environnement, peut-être plus que dans une autre université. Puisqu'on nous engage en fait à Sciences Po, on nous demande d'avoir un parcours aussi civique et citoyen en dehors de nos cours. D'accord. Ok, et donc je vois que l'association organise des conférences, ateliers et même des paniers bio. Oui. C'est génial, alors, quoi, pour tous les étudiants. Oui, c'est ça, en fait. On peut choisir de prendre à l'année un abonnement pour avoir un panier bio par semaine. Ça existe pour les légumes et pour les fruits. Super. D'autres universités devraient faire ça, je pense. Alors, tu m'as dit, Lucille, que ton premier souvenir fort avec cette nature, c'était de longues promenades en forêt avec ton grand-père qui t'apprenait à reconnaître les oiseaux. T'avais quel âge à peu près? J'avais moins de 5 ans. Waouh. Et ces promenades se passaient donc dans les forêts de Mosellane? Oui, c'est ça, c'était les forêts aux alentours de mon village. C'était pas des bois immenses, mais quand on est petit, c'est déjà impressionnant. Oui. C'est clair. Et combien de temps ça a duré, en fait, ces promenades? Tu te souviens? Je sais pas exactement, au début, comme mes grands-parents vivaient avec nous, quand j'avais 3 ans, l'après-midi, l'école, il n'y avait pas école. Ouais. Donc, c'était vraiment l'occasion de me retrouver avec mon grand-père, de partir parfois des heures en forêt, de se promener. C'était génial. Et est-ce que tu te souviens un petit peu des odeurs, des couleurs, de ce que tu as vu comme oiseaux? Oui, totalement. Enfin, les oiseaux, ça allait de vraiment des oiseaux domestiques qu'on croisait tous les jours, des mésanges, des moineaux, à des busards, des hérons. Ils m'apprenaient vraiment à reconnaître tout ce qu'on pouvait rencontrer. Donc ça, c'était sympa, vraiment. Et après, sur les odeurs, moi, il y a une odeur qui me marque beaucoup, c'est l'odeur du feu de bois. Ouais. Parce que je me souviens des mois d'automne, quand il faisait un peu frais, que les bûcherons travaillaient dans la forêt. Et donc, il y avait ce feu de bois où on allait s'asseoir autour, où il faisait chaud, où on mangeait une pomme avec eux. Génial, ouais. Est-ce que vous sortiez aussi quand il pleuvait? Enfin, même tout le temps? Je pense qu'on sortait vraiment par tous les temps. C'était... Ouais. Ouais, je pense quand il pleut, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi l'odeur de l'herbe mouillée. Oui, la pluie sur les feuilles mortes. Ouais, j'adore ça aussi. Alors, ce souvenir va nous permettre d'écouter un premier choix musical. J'ai pioché dans ta playlist Imagine Dragons, Radioactive. I d'écouter Imagine Dragons, Radioactive. Vous êtes sur Fadjet dans l'émission La Nature et moi, où chaque invité partage ses engagements pour la planète et son souvenir marquant face à la nature. Aujourd'hui, nous accueillons Lucille, qui, en plus d'être végétarienne, s'est engagée auprès du mouvement Youth for Climate et a intégré l'association Sciences Po Environnement. Alors, pour le premier choix musical, j'ai choisi dans ta playlist le groupe Imagine Dragons. J'aime beaucoup leur mélodie. C'est un groupe de rock alternatif américain, originaire de Las Vegas, dans le Nevada. Ils sont originaires de Provo, dans l'Utah, où ils se forment en 2009. Alors, Imagine Dragons, je ne savais pas, c'est un anagramme dont seuls les membres du groupe connaissent la signification. Donc, je pense que tu ne connais pas, toi. Alors, c'est le chanteur donc, qui écrit les chansons, Dan Reynolds. Ils font également leur première apparition en Europe où Radioactive devient leur premier tube fin 2012. Alors, j'ai traduit un peu le début de la chanson, c'est assez puissant. Il y a quelques phrases comme ça. « Je me réveille en lambeaux, je m'essuie le front, je respire les produits chimiques, je me brise, je me prépare, puis départ dans le bus de la prison, ça y est, l'apocalypse. » Alors, c'est un peu des paroles qui expriment un sentiment fort. Est-ce que tu as choisi cette chanson vraiment... par les paroles ou par... Oui, clairement, j'ai choisi pour ces paroles. Okay. Enfin, ce qu'on essaye un peu de se battre au quotidien dans Youth for Climate, et je pense au combat de tous les autres écologistes, c'est pour pas se réveiller un matin et qu'on se dise « ça y est, ça craint trop, c'est fini, on peut plus revenir en arrière ». Et donc les paroles de cette chanson, elles sont peut-être un peu extrêmes, mais je trouve qu'elles sonnent comme une mise en garde. Oui. Alors, le choix de cette chanson m'amène à parler de l'émotion que tu as choisie, la révolte. Alors, chers auditeurs, auditrices, vous êtes, je pense, conscients, j'espère, de l'actualité planétaire et environnementale qui n'est pas très positive. Alors, Lucille, je te cite, je me sens surtout révoltée vis-à-vis de l'inaction des pouvoirs en place et de la société en général. L'urgence climatique demande des mesures ambitieuses et concrètes. Malheureusement, j'ai le sentiment que notre inaction d'aujourd'hui risque de compromettre l'avenir de cette génération, mais aussi celui des générations futures. Est-ce que tu as le sentiment que les gens ne se mobilisent pas assez ? Oui, clairement. Enfin, surtout sur la France, quand je vois les chiffres de l'Allemagne sur les dernières marches, en comparaison, ça n'a rien à voir. À Berlin, c'était 270 000 personnes qui étaient présentes pour la marche. Alors que Nancy, bon, on était 300. Ouais. C'est pas la même taille de ville, mais c'est quand même assez parlant comme chiffre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde dit un peu qu'il est conscient, tout le monde essaye de se donner une image un peu verte, un peu écologiste, mais que finalement, personne ne se bouge vraiment, et surtout pas les gouvernements, et pas suffisamment vis-à-vis de l'urgence. Et pourtant, on a l'impression qu'avec les manifestations, on se dit, bon, bah, y a une évolution de la sensibilisation, mais peut-être pas assez concrètement pour toi. Oui, c'est ça. L'autre jour, j'ai croisé une dame dans la rue qui me dit, moi, je milite depuis les années 60, 70 pour l'écologie, et c'est bien ce que vous faites aujourd'hui, parce qu'à l'époque, personne ne nous entendait. On n'avait aucun impact médiatique. Ouais. Donc j'ai bien conscience qu'aujourd'hui les choses changent et que l'écologie, c'est devenu une question prépondérante dans la politique. Mais encore une fois, j'ai l'impression que tout le monde en parle, mais que personne n'agit. Peut-être le fait que tu rentres à Sciences Po, c'est aussi cette volonté de se dire « je vais changer, je vais essayer en tout cas ». Oui, peut-être. Mon entrée à Sciences Po, je ne sais pas finalement à quoi elle va m'amener. Ouais. C'est vraiment une école où on a beaucoup de choix par la suite. C'est vraiment le master qui sera déterminant. D'accord. Donc pour l'instant, j'entre là. J'essaye de m'investir dans des associations pour essayer de changer les choses à ma petite échelle. Et on verra bien où l'avenir me mène. Bravo, ouais. Alors, pour illustrer ton émotion, on va écouter un deuxième choix musical. Alors, j'ai choisi... je suis pas bonne en anglais. C'est Wesley. C'est ça. Vas-y, redis-moi. Wesley Arms. Wesley Arms. D'accord. Legendary. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends, gonna teach them all a lesson. leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong, but we just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be late. Nous venons d'écouter Wesley Arms, le titre Legendary. Vous êtes bien sur Fadjet, l'émission La Nature et moi, et nous sommes toujours en compagnie de Lucille, qui nous a fait partager son expérience émotionnelle face à la catastrophe environnementale. Et tu as choisi comme émotion la révolte. Alors j'ai relevé un extrait des paroles de la chanson que l'on vient d'écouter, selon une traduction que j'ai trouvée sur Internet. On peut lire voilà, quelques phrases. « Regardez autour de moi, vous cherchez la réponse. Depuis que nous avons 17 ans, voilà, vous savez que la vérité peut être une arme pour lutter contre ce monde de mauvaises intentions. Je pense qu'ils ont tout faux. Nous devons juste tenir, et puis, et encore... Parce que nous allons être des légendes, je vais attirer leur attention. Ce que nous sommes, c'est pas juste effrayant. On est le point d'être légendaire. On va être des légendes. Voilà, on a un sentiment que nos âmes, voilà, nous portons tout ça. Alors Lucille, cette chanson du groupe Wesley Arms et leur titre Legendary exprime bien ta révolte, je trouve. Non oui, c'est exactement ça. C'est juste clamer qu'on est là. Qu'on demande des mesures pour l'avenir, et juste parce que ce qu'on a l'impression de dire, c'est la vérité, et on a l'impression que les scientifiques font des présentations alarmistes pour le futur, et que tout le monde dit c'est vrai, mais personne ne veut les entendre. Mmh. Donc aujourd'hui, on est là pour crier, pour se révolter, et pour dire qu'on existe et qu'on exige un avenir. Et ouais, j'espère que tous les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent sont suffisamment conscients de l'importance d'agir pour l'avenir. Alors, Lucille, concernant l'œuvre artistique illustrant cette émotion face au bouleversement climatique, tu as choisi les films d'animation de Hayao Miyazaki, plus particulièrement Nausicaa et Princesse Mononoke. Alors pour toi, ce sont des œuvres qui, je te cite, évoquent très bien la question de l'écologie face à la bêtise humaine. Oui, alors, c'est des films déjà par lesquels j'étais un peu bercée. Ouais. Je pense, Nausicaa, pendant une grande partie de mon enfance, ça a été mon dessin animé préféré. Ouais. J'ai dû le regarder des dizaines et des dizaines de fois. Ce que j'aime bien dans Nausicaa, c'est qu'il y a une espèce de métaphore. C'est après que le monde a été détruit, et il y a une immense forêt toxique qui avance petit à petit, menaçant les populations humaines. Et en fait, plus l'humain brûle la forêt pour la rétrécir, plus la forêt se propage vite. Donc je trouve ça assez significatif par rapport à la relation entre l'homme et la nature, puisque l'homme essaye toujours de détruire la nature et de la dominer, mais finalement, il faut surtout cohabiter avec. Mmh. Et de toute façon, la nature reprend ses droits, reprend toujours l'espace. Ses droits à la fin. Ouais, ouais. Alors, et les personnages sont souvent féminins ou... C'est ça. Ouais. Chez Hayao Miyazaki, ce sont beaucoup de personnages féminins, des jeunes femmes souvent fortes, rebelles, qui sont assez inspirantes. Oui, je dois dire, oui, c'est bien que mettre aussi en avant les femmes et leur rôle aussi dans ce monde. Alors, Un petit mot sur ce réalisateur Miyazaki, donc qui est auteur aussi scénariste japonais, né à Tokyo en 1941. Alors sur le site d'Allociné, il détaille, je fais un peu de pub, blaps, il détaille un peu son histoire familiale. Alors, contrainte de fuir Tokyo, sa ville natale, sous les bombardements de l'armée américaine, la famille de Miyazaki s'installe à quelques kilomètres de la capitale. Cette expérience laissera une empreinte profonde chez le cinéaste. Beaucoup des thèmes, pêle-mêle, l'avion, le deuil, l'enfance, l'attachement à la nature, sont explorés au travers de son œuvre et proviennent aussi de cette période. Inconditionnel de bande dessinée, il trouve très tôt sa vocation. À l'université de Tokyo, il suit des cours d'économie, mais ne renonce pas pour autant à son rêve. Il profite du temps libre que lui laissent ses études pour parfaire son coup de crayon et perfectionner une technique qui ne tarde pas à le faire remarquer du studio d'animation Toei, la référence nippone dans la matière à l'époque. Après quelques projets inaboutis, Miyazaki décide de se consacrer à la bande dessinée et élabore l'épopée à épisode Nausicaa de la Vallée du Vent. Et c'est par ce biais que le cinéaste revient en force dans le monde de l'animation. Il porte à l'écran sa propre bande dessinée et fait l'unanimité avec Nausicaa de la Vallée du Vent en 1984. J'avais 3 ans. Et voilà, Nausicaa, tu en as parlé, voilà, c'est une terre ravagée par la folie des hommes durant les 7 jours de feu. Il y a une poignée d'humains qui a survécu. Et comme tu disais, menacée par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l'ampleur, cette poignée de survivants attend le salut de la princesse Nausicaa, capable de communiquer avec tous les êtres vivants. En 1997, le réalisateur s'attaque à Princesse Mononoke. C'est une fable épique où il reconnaît les influences conjuguées alors de Akira Kurosawa, ça c'est un autre réalisateur, et Kenji Mizoguchi, pardon si je dis mal les noms. Le film remporte un énorme succès au Japon, attirant près de 15 millions de spectateurs, un record pour un film d'animation. Et alors qu'il avait menacé de mettre un terme à sa carrière, il poursuit finalement sur sa lancée et réalise le voyage de Chihiro. Tu les as vus aussi, ceux-là ? Je les ai tous vus, je pense. Oh, wow. Mais ils sont magnifiques. Hein. Ils sont magnifiques. Et le film donc, lui vaut cette fois une véritable reconnaissance internationale, puisqu'il remporte l'Oscar du meilleur film d'animation, ainsi que l'Ours d'or au Festival de Berlin en 2002. Et ce scénariste japonais, donc, combien de temps tu le connais ? Depuis que je suis petite, c'est mes parents qui m'ont fait découvrir ça. Waouh. Et ouais. Donc, qui m'ont fait regarder tous ces dessins animés depuis que je suis petite. D'accord. Ouais. Donc, j'ai vraiment grandi avec. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ces films d'animation ? Vraiment, il y a la présence des femmes, le fait de, peut-être d'avoir... La présence des femmes, le lien avec la nature, et finalement un univers très imaginaire, très poétique, mais que finalement, on peut quand même raccrocher un peu à notre réalité. Ouais. Ça reste une fiction, mais une fiction qui peut faire écho. D'accord. Bien. Ben, j'invite les gens à regarder aussi les films, les films de ce scénariste japonais, donc Miyazaki. Alors ben là, on arrive un petit peu à la fin de l'émission. J'aurais encore 2-3 questions à te poser, si tu veux bien. Alors, quels sont tes sentiments face aux évolutions futures ? Alors, aujourd'hui, j'essaie quand même d'avoir encore de l'espoir. Ouais, de me dire que tout n'est pas fini, oui. Qu'on peut encore se battre et qu'on peut encore changer les choses. Mmh. Après, il faut avoir de l'espoir, mais il ne faut pas être naïf non plus. Mmh. Tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va être un long combat. Tout le monde ne va pas être d'accord. Mais il faut faire les choses qui s'imposent pour notre planète et pour la survie plus généralement de l'espèce humaine. Mmh, bien sûr. Une question un petit peu vraiment... une ouverture extrême, quel serait ton monde rêvé ? Mon monde rêvé, ce serait un monde où juste les humains et la nature communiquent de manière pacifiste et paisible. Et oui, on ne cherche pas cette relation de domination entre les hommes, entre eux, et entre les hommes et leur environnement, finalement. Mmh. Et si tu n'étais pas un être humain, qu'est-ce que tu serais ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que je serais quand même... un animal, ouais. Je sais pas exactement quoi, le côté vraiment de l'animal vraiment sauvage, libre, et qui vit pour soi et pour son indépendance, et qui finalement n'a pas toutes ces règles de société, de politique qui peuvent nous entraver au quotidien. Ouais. Juste vivre pour vivre et se sentir vivant Ouais, ça fait du bien de t'entendre. Ça fait du bien. Eh bien, voilà, nous arrivons vraiment à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Lucille, de nous avoir fait partager tes engagements, ton émotion face à cette belle nature. Ce fut un moment particulièrement touchant, je dois dire. Chers amis, je vous rappelle que l'émission est podcastée. Pour participer à l'émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Fadjet ou sur ma page Facebook La Nature et Moi. Vous y retrouverez les références culturelles, sociales et musicales. En attendant de partager avec vous un autre moment émotionnel, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas, laissez-vous émouvoir par la nature. À bientôt. Ciao.